L'agence de presse d'internet américaine Inca News a rapporté le 3 août que l'avenue Lumion est en construction à Pyongyang, capitale de la Corée, au niveau d'un état socialiste hautement civilisé. Elle a indiqué comme suit. L'ossature du gratte-ciel à 69 étages haut de plus de 200 mètres est achevée dans un court délai de 74 jours depuis le commencement des travaux. Dans la campagne de 200 jours, les travaux de construction de l'avenue Lumion sont promus à grande vitesse.